Merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve bien sûr à 16h. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'affaire Finoli, ou le chemin de croix des enfants volés. C'est l'histoire célèbre de deux petits frères juifs, Robert et Gérald Finoli, cachés à Grenoble pendant la Seconde Guerre mondiale par une brave catholique, la courageuse Mademoiselle Brun. Leurs parents sont déportés à Auschwitz, ils n'en reviendront pas. À la libération, la tante des deux orphelins, installée en Israël, réclame ses neveux. Mais Mademoiselle Brun refuse, plaide qu'elle les a sauvés, élevés, baptisés. Pour elle, ses enfants de cœur n'ont rien à faire dans un kibboutz. Ainsi, pendant 8 ans, de 1945 à 1953, le sort des frères Finoli va diviser l'opinion et la presse internationale tout entière, partager le monde intellectuel et judiciaire, opposer juifs et catholiques, cléricaux et laïcs, impliquer Franco, le dictateur espagnol, compromettre l'Église de France et inquiéter jusqu'au Vatican. C'est un fait divers devenu affaire d'État, une histoire d'adultes figés dans leur bonne foi jusqu'au fanatisme. Une histoire de méchants juifs et de gentils chrétiens comme on pensait que l'après-guerre n'oserait pas en inventer. Notre invité aujourd'hui, Marion Feldman, professeure en psychopathologie à l'Université de Paris-Nanterre, autrice notamment en 2009 d'un ouvrage intitulé « Entre trauma et protection, quel avenir pour les enfants juifs cachés en France » de 1940 à 1944, livre publié aux éditions ERS. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Pinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Guizio. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. L'Anschluss, les rêves d'hégémonie de l'Allemagne hitlérienne se réalisent. Comme une bombe, la nouvelle éclate. L'Anschluss, le drame se déroule en quelques heures. Hitler exige tout d'abord l'annulation du plébiscite autrichien. Hitler exige ensuite le départ de M. Schuschnigg, qui à la radio annonce « Je cède à la force ». Hitler exige la nomination comme chancelier de Seyss-Inquart, qui fait appel aux forces allemandes et proclame le rattachement de l'Autriche au Reich. Les avions à croix gammée survolent Vienne. Hitler exige. Les agents de la Gestapo sont envoyés en estafette. Les mécontents sont refoulés. Personne ne viendra troubler la paix. La marche triomphale d'Hitler sur Vienne va commencer. Vienne, 12 mars 1938. À l'aube, les troupes allemandes franchissent la frontière autrichienne et annexent le pays sans tirer un seul coup de feu. C'est l'Anschluss. Désormais, Hitler exige et la Gestapo fait son œuvre. Persécutés, spoliés, pourchassés, près de 120 000 juifs prennent la route, miséreux, loin de la Grande Allemagne et du Troisième Reich. Parmi eux, le docteur viennois Fritz Finoli et sa femme, Annie. Ils trouvent refuge en France, à La Tronche, en banlieue de Grenoble, où naissent leurs deux enfants. Robert, en 1941, suivi 15 mois plus tard de Gérald. Malgré le climat antisémite, les jeunes parents font circoncire leurs deux garçons, bien décidés à les élever dans la religion juive. Mais bientôt, les rafles se multiplient partout en France. La famille Finoli entre dans la clandestinité. Avec l'aide de ses collègues, le père, Fritz, continue d'exercer illégalement la médecine et tous portent l'étoile jaune. Le 10 février 44, les parents ont l'intuition du pire et cachent leur bébé à la pouponnière de Mélan, une commune voisine. Triste prémonition. 4 jours plus tard, Fritz et Annie Finoli sont arrêtés par la Gestapo, internés dans le camp de Drancy, puis déportés à Auschwitz, convoi 69. Ils ne reviendront jamais. Âgés de 3 et 2 ans, Robert et Gérald sont finalement confiés à la crèche municipale de Grenoble. Sa directrice s'appelle Antoinette Brun. La cinquantaine a un caractère bien trempé. Antinazie résolue, catholique fervente, cette célibataire adopte 5 petits avant la guerre et cache désormais, au péril de sa vie, 9 enfants juifs dans le château de Vif, à quelques kilomètres de là. Les frères Finoli passeront les derniers mois de la guerre, dont ils sortiront sains et saufs, comme près de 8000 enfants en France, cachés par des particuliers ou des institutions religieuses. À la libération, la plupart d'entre eux deviennent orphelins. Avec quel avenir? Et puis, comment les retrouver? Et à qui les restituer? Dans les années qui suivent la guerre, ces questions vont hanter, déchirer les consciences, opposer les familles, mobiliser couvents et prétoires, comme l'explique l'historienne Catherine Poujol, invitée de France Culture en 2013, à l'occasion de la sortie de son livre « L'Église de France et les enfants juifs aux presses universitaires de France ». Le livre part d'un constat. Qu'est-ce qu'on fait de 8 à 10 000 enfants cachés après-guerre? Les organisations juives n'ont de cesse que de retrouver ceux qui sont l'héritier de cette civilisation qui vient d'être anéantie. Et de notre côté, qui peut mieux que l'Église savoir où ils ont été cachés, où ils ont été placés? Mais c'est l'Église, pas plus que personne ne pouvait pas le savoir. Mais si, parce que c'est se fait par l'intermédiaire de couvents, ça se fait par l'intermédiaire d'orphelinats, ça se fait par l'intermédiaire de nourrices, tout bêtement. Comment? Donc je me suis posé le problème de leur restitution. Est-ce que ça a été rapide? Pas rapide. Est-ce que le prosélytisme avait fait son œuvre? Est-ce qu'on les avait baptisés ou est-ce qu'on les avait pas baptisés? De tous ces questionnements, l'affaire des enfants Finali deviendra un cas d'école, un emblème. Et pour cause. Dès 1945, les deux sœurs de Fritz Finali, Margaret Fischel, immigrée en Nouvelle-Zélande, et Edwige Rosner, qui vit en Israël, tentent de retrouver leur neveu. Grâce à l'œuvre de secours aux enfants, organisation juive qui cherche les gamins cachés, elles écrivent à Mademoiselle Brun. D'abord, elles la remercient pour son courage, sa générosité, et lui font part de leur souhait de récupérer les enfants au plus vite. Oula, pas trop vite, répond Mademoiselle Brun. Après tout, elle les a protégés. Elle les a élevés comme ses propres fils d'ailleurs. Quelques mois plus tard, elle se fait nommer légalement tutrice des deux gosses à titre provisoire et elle compte bien faire traîner les choses. Pendant 3 ans, missive après missive, le ton s'envenime. Les tantes multiplient les démarches, saisissent le maire de la Tronche, le Quai d'Orsay, l'évêque d'Auckland. Tous constatent le refus de Mademoiselle Brun de rendre les enfants. Finalement, en septembre 48, Edwige Rosner, la tante d'Israël, mandate Moïse Keller, un ami grenoblois de la famille et ancien résistant, pour la représenter. Il va donc trouver la nourrice chez elle, mais l'altercation est violente. En 2007, dans le documentaire « L'affaire Finali », réalisé par David Cohn-Berzosa et produit par Programme 33, le fils d'Edwige Rosner, autrement dit le cousin des enfants, rapporte les paroles quand on est de Brun, tient alors. Vous avez fui dans les champs en laissant vos enfants ici, chez les autres. Et maintenant vous avez l'audace de vouloir les récupérer. Jamais vous ne les reverrez. Et elle continue à crier derrière lui. Vous pourrez peut-être être content en sachant que je les ai baptisés. J'ai fait d'eux des petits catholiques. Effectivement, le 28 mars 1948, Mademoiselle Brun fait baptiser les deux frères, alors âgés de 7 et 6 ans. Pendant la guerre, ce sacrement chrétien protégeait de nombreux enfants juifs de la déportation. Oui, mais aujourd'hui, plus rien ne justifie cette décision. Non, rien. Si ce n'est la volonté de placer les enfants sous la protection définitive de l'Église. À l'époque, cela en soi, rien de choquant. Les chrétiens, dans leur grande majorité, sont convaincus qu'un bon juif est un juif converti et qu'il en va même du salut de son âme. C'en est trop pour les tantes Finali. En janvier 49, par l'intermédiaire de Moïse Keller, elle porte plainte contre Mademoiselle Brun. Voilà déjà plus de 3 ans qu'elle réclame leur neveu. C'est alors le début d'une âpre bataille judiciaire. Les conseils de famille se succèdent, tout comme les décisions de justice cassées tour à tour. La défense de Mademoiselle Brun pose au tribunal le dilemme entre droit du cœur et droit du sang. Finalement, en mai 52, 2 ans et demi après le premier dépôt de plainte, le président de la cour demande à entendre Robert, 11 ans maintenant, et Gérald, 10 ans. Alors, avec qui voulez-vous rester? Avec maman Brun, répondent de concert les deux frères. Ils sont catholiques et ils n'ont aucune envie d'être transférés chez les juifs qui ont tué le Christ, a dit maman Brun. Elle leur a expliqué aussi qu'en Israël, il serait tout juste bon à casser des cailloux au bord des routes. Bien, les magistrats poursuivent. Et comment ça se passe à la maison avec maman Brun? Réponse, 60 ans plus tard, en 2011, de Robert Finali lui-même, alors en conférence à Jérusalem. En général, on venait à Grenoble rien que pendant les vacances. On n'était pas à la crèche, on était dans une maison qui était à Vif. C'est un petit village à 40 km de Grenoble. Et là-bas, on était avec la gouvernante de Mademoiselle Brun, qui s'appelait Marie Dufour. En principe, c'est elle qui nous a élevés. Mademoiselle Brun, bon, on venait lui dire bonsoir, bonjour, la baiser de bonne nuit. C'était comme la dame aristocrate qui était sur son trône. Elle est comme ça, c'est comme ça que j'ai vu cette chose. Et le soir, ben, elle venait voir ses propriétaires. Ainsi, placés d'école en internat, les frères Finali ne voient leur tutrice que 3 ou 4 fois par an. Un lien sans chaleur. Petit à petit, les magistrats comprennent qu'Antoine Brun incarne pas seulement l'amour d'une mère adoptive prête à tout pour garder ses petits, mais qu'elle agit peut-être aussi et surtout par prosélytisme religieux. Le 11 juin 1952, le tribunal rend son jugement. Mademoiselle Brun doit restituer les enfants immédiatement. Et tandis qu'elle se pourvoit en appel, Moïse Keller se rend au château de Vif, heureux de mettre un terme à cette sombre histoire. Mais arrivé sur place, mauvaise surprise, Robert et Gérald ont disparu. C'est que Mademoiselle Brun, qui n'est pas femme à se laisser diriger par la loi, a pris les devants. Oui, elle s'est confiée à l'une de ses amies de résistance, mère Antonine, supérieure du couvent de Notre-Dame de Sion à Grenoble. Cette congrégation a justement pour vocation première la conversion des Juifs. Pour les deux femmes, c'est une évidence. Baptisés, Robert et Gérald sont catholiques. Ils appartiennent donc, et pour toujours, à l'Église, ne pensant pas une seule seconde qu'ils appartiennent avant tout à eux-mêmes. Bon. Mère Antonine accepte d'aider Mademoiselle Brun et envoie les enfants passer l'été en Alsace à l'abri de la justice et de Moïse Keller. Puis la religieuse demande audience auprès du cardinal Gerlier. Pierre Gerlier, archevêque de Lyon, primat des Gaules et la plus haute autorité de l'Église catholique en France, c'est un personnage hautement politique. Pendant l'occupation, alors qu'il déclarait « Pétain c'est la France et la France c'est Pétain », il cachait des Juifs. Mère Antonine évoque donc avec lui le cas Finali. « C'est une nouvelle affaire Dreyfus que vous m'apportez là », s'inquiète le cardinal. Malgré ses réticences, il prend le parti de la religieuse et l'encourage à mettre les enfants à l'abri. Tout doit être fait pour qu'ils soient élevés dans la foi chrétienne. Aussitôt dit, aussitôt fait, Mère Antonine ne se fait pas prier et entraîne les enfants dans la plus folle des cavales clandestines. Après l'Alsace, Robert et Gérald Finali sont transférés à Paris, puis à Marseille où ils sont scolarisés sous le nom de Marc et Louis Quattery. Ce dont ils témoignent devant la caméra de 5 colonnes à la Une, diffusée le 5 janvier 1962. On peut dire que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais que je devais fuir les personnes qui voulaient me faire changer de religion. C'est ce qu'on vous disait. Ce qu'on me disait, je l'ai cru. Moi, j'étais gosse, comme on dit, des gosses s'amusent beaucoup, alors ça aussi m'amusait. Je n'ai pas demandé de questions, je ne disais pas pourquoi non, pas pourquoi, pourquoi oui, pourquoi non. On m'a dit, tu t'appelles d'aujourd'hui comme ça. Ok, d'accord, je m'appelle. Pendant ce temps, la police cherche sans relâche les frères Finali, en vain. Alors, leur famille, toujours vie à Moïse Keller, porte plainte pour non-présentation d'enfants. Le 18 novembre 52, 5 mois après son premier procès, Mademoiselle Brun compare une nouvelle fois devant le tribunal correctionnel de Grenoble. Et, stupéfaction, elle est relaxée. La famille fait appel sur le champ. Dans la communauté juive, on commence alors à entendre parler de l'affaire et à s'en indigner, mais plutôt discrètement, par peur de réveiller un antisémitisme latent à un monstre qui ne dort toujours que d'un œil. Moïse Keller se sent bien seul et comprend qu'il lui faut un puissant relais pour porter l'affaire sur la place publique. Il fait donc appel au plus brillant, au plus prestigieux des avocats du moment, Maître Maurice Garçon. Fin juriste, académicien, catholique affiché, nul ne peut mieux que lui transformer un procès en affaire, une affaire en cause. Il accepte et plaidera en appel de la décision qui avait relaxé Mademoiselle Brun. « 8 janvier 1953, palais de justice de Grenoble. 3 ans avant le début de l'audience, la grande salle du tribunal est déjà bondée. 3 heures. Notables, curieux, journalistes, étudiants en droit, tous se pressent pour entendre plaider maître garçon. Au premier rang est assise Edwige Rosner, la tante d'Israël et son ami et émissaire Moïse Keller. La grande absente, c'est Mademoiselle Brun. Malade, dit-on. Or, c'est sur elle, d'emblée, que tombent les foudres du ténor. Morceau choisi. C'est le seul fanatisme religieux qui fait agir Mademoiselle Antoinette Brun. Elle a recueilli 2 juifs, les a fait baptiser, estime avoir ouvert à 2 infidèles le chemin du salut, et pousse l'intolérance jusqu'à braver les lois humaines et divines. Je regrette profondément, pour la religion qui est la mienne, que vous lui donniez, au lendemain des horreurs nazies, ce visage d'intolérance. Vous la rendez odieuse, et j'en suis fâché contre vous. Rappelez-vous les mots de Chateaubriand. Si vous voulez faire des impies et des hypocrites, montrez-vous fanatique et intolérant. Avant de regagner sa place, maître garçon fixe les magistrats et conclut. Faites vite, messieurs. La famille Finali attend justice depuis 7 ans. Elle est pressée. Dans la salle d'audience, le silence règne. Au même moment, ce 8 janvier 1953, au Vatican, une autre partie se joue. Le cardinal Gerlier vient informer le pape Pie XII en personne de cette douloureuse affaire Finali. Que devra-t-il faire au cas où le tribunal déciderait de rendre les 2 enfants à leur famille? Devra-t-on se conformer à la justice française ou bien maintenir les enfants cachés malgré le danger d'une cabale médiatique contre l'Église? La réponse du Saint-Office est double. D'abord, qu'on sait-il, on n'aurait pas dû baptiser ses enfants en 48, 3 ans après la fin de la guerre. Ceci dit, la doctrine de l'Église ne varie pas en fonction des campagnes de presse, même virulentes. Le baptême est sacrement qui implique obligatoirement une éducation chrétienne. Donc, et je cite, « Mademoiselle Brun devra résister à l'ordre de livrer les enfants, mais pas au point de causer de graves dommages à elle-même ou à l'Église. En gros, à vous de juger, Gerlier. Ainsi soit-il. » Mais 3 semaines plus tard, à Grenoble, coup de tonnerre. Le 29 janvier, le tribunal requalifie la plainte pour non-présentation d'enfants en crime de rapt et renvoie Mademoiselle Brun, cette fois devant les assises. Les magistrats ordonnent son incarcération immédiate à la prison Saint-Joseph de Grenoble, où elle aura tout loisir de prier. Bien, c'est déjà ça. Mais les enfants, où sont-ils ? Désormais, seule mère Antonine le sait, et, forte des nouvelles instructions du cardinal Gerlier, elle continue de trimballer les petits Finali à travers le pays. Ainsi, 3 silhouettes quittent secrètement le collège marseillais. La folle cavale continue. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment. Son aile tout à coup s'ensanglante et descend par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié. Par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée, je vous salue Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie, mon Dieu, par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie. Par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui gêne, et par le juste mis au rang des assassins, je vous salue Marie. Par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie, je vous salue Marie. Ensuite vous êtes allé à Bayonne. Oui. Ça vous devez vous souvenir, Bayonne, vous étiez déjà plus grand. Oui, dans, je me souviens, c'était un voyage de trois jours dans un train, ça je me souviens bien. À Bayonne, trois jours? Ouais. Non. Je suis sûr. De Marseille à Bayonne, il n'y a pas de trois jours. Je ne sais pas, je me rappelle qu'on a voyagé trois jours avec un train. Dans son souvenir, c'est trois jours. Deux jours et demi. Je sais qu'on a voyagé la nuit, que lui avait des lunettes, moi je ne sais pas ce que j'avais sur le nez. C'est tout qu'on est rentré dans un collège qui était vide à Bayonne. Vous saviez qu'on vous cherchait? Oui, à ce moment, on était des chrétiens. Dans notre esprit, on pensait comme des chrétiens. Moi, comme un bon chrétien, comme on nous a appris, je voulais rester dans la religion chrétienne. Ils ont dit, on veut nous changer de religion. Nous, on n'a pas accepté. Interviewé en 1962 par les journalistes de 5 colonnes à la une, Robert et Gérald Finali évoquent la suite de leur périple clandestin à travers la France. Après 5 mois passés à Marseille, direction Bayonne. Nous sommes alors en février 1953, ils ont 12 et 11 ans, leur ex-tutrice, Mademoiselle Brun, est sous les verrous et leur famille les cherche depuis maintenant 8 ans. À Bayonne, mère Antonine, la complice de Mademoiselle Brun, fait entrer les frères Finali sous un faux nom au collège Saint-Louis de Gonzague. Mais son supérieur, l'abbé Silhouette, qui a lu la presse, reconnaît les enfants recherchés et prévient le procureur, qui à son tour informe le mandataire de la famille Finali, Moïse Keller, installé à Grenoble. Ni une ni deux, il saute dans le premier train pour Bayonne, persuadé d'être enfin arrivé au terme de la mission que lui ont confiée les tantes Finali 4 ans plus tôt. Mais quand Moïse arrive sur place, il n'en croit pas ses yeux, les deux oiseaux à nouveau se sont envolés. Car voyez-vous, mère Antonine, juste parmi les nations, a gardé ses réflexes de résistante et semble toujours avoir un temps d'avance. Quelques heures avant l'arrivée de Moïse Keller et de la police, elle a discrètement exfiltré les enfants qui s'évanouissent dans le Pays Basque. Dominique Irigoyen, vicaire à Saint-Jean-de-Luz, se souvient de la panique qui régnait alors et il la raconte dans le documentaire L'Affaire Finali, réalisé par David Korn-Borzosa. Personne ne savait et où ils étaient, ce qu'ils avaient fait. Et quand on a dit son supérieur, mais ses enfants ne sont plus là. Comment? Il paraît qu'il a pris son chapeau, tout ça, il est parti à droite, à gauche. Il avait perdu son calme et sa paix. Et celui qui aurait pu les voir, qui était le gardien du collège Saint-Louis, il était en train de boire un petit café dans un restaurant à côté. Alors lui non plus n'avait rien vu. La police, elle, est sur tous les fronts. Elle fouille les collèges et les couvents de la région, auditionne les professeurs, inspecte les cars, les trains et patrouille au poste frontière espagnol. Mais rien n'y fait. Les enfants sont introuvables. Les inspecteurs consultent alors les registres des PTT. Et ils relèvent des appels entre le Pays Basque et la congrégation Notre-Dame de Sion à Grenoble, dirigée par Mère Antonine. La religieuse est interpellée. sous les flashs incrédules des journalistes. Publiée dans la presse, la photo fait l'effet d'une bombe. Car maintenant, plus personne ne peut ignorer le feuilleton finali qui passionne les foules. L'opinion s'enflamme et se divise. D'un côté, les partisans de Moïse Keller et de la famille Finali, de l'autre, ceux de Mademoiselle Brun et de l'Église. On est bruniste ou kelleriste, comme on avait été Dreyfusard ou anti-Dreyfusard. Libre penseur, athée ou anticléricaux dénoncent à l'envi le complot de Soutane, le retour de l'inquisition et du fanatisme convertisseur. En face, nombre d'intellectuels chrétiens se lancent à la polémique. Le journal La Croix, leur porte-parole assène. L'Église est une société parfaite qui a autorité sur les hommes devenus ses membres par le baptême. Dans le Figaro, François Mauriac monte en première ligne et suggère qu'on laisse ces agneaux perdus entre deux bergeries décider de leur destin. Les organisations juives de France s'engagent, elles aussi. Un peu partout, des comités finali organisent meetings et conférences, participent à des centaines de manifestations contre l'Église voleuse d'enfants, je cite, et alimentent quotidiennement les journaux de nouveaux témoignages. Résultat de cette ahurissante guerre des mots, en 6 mois, le journal Le Monde consacrera 62 articles au dossier finali qui, de simples faits divers, devient une affaire nationale. Sur les ondes de l'ORTF aussi, on en parle et chacun donne son avis. Comme ici, en février 53, avec le père Danielou, rédacteur à la revue Études. Je pense que ce qui fait la gravité de l'affaire Finali, c'est qu'elle engage des intérêts graves, qu'il s'agisse du respect de la loi, qu'il s'agisse des droits de la famille, qu'il s'agisse aussi de la sainteté du baptême ou de la conscience des enfants. Ceci dit, quelle solution quand les enfants seront retrouvés ? Un double geste. Rendre les enfants à leur famille. On le redoute parce qu'on imagine que ses parents tyranniseront les enfants. Mais pourquoi cet odieux soupçon ? De quel droit, encore une fois, soupçonner Madame Fischel ou Madame Rosner de ce fanatisme ? A priori, je leur fais confiance. Mais cette confiance doit être méritée. Et j'attends l'autre geste, celui par lequel les parents s'engageront à respecter la confiance des enfants, à leur assurer la libre communication avec leurs bienfaiteurs des temps difficiles, à leur garantir la libre pratique d'une religion à laquelle ils sont attachés, à leur assurer la continuation d'une éducation française voulue par leurs parents. Loin du tumulte médiatique, Robert et Gérald Finali, eux, sont cloîtrés. Après des mois de fuites répétées, de séquestration, d'obligation de silence, ils commencent à souffrir de ne pouvoir vivre comme les enfants de leur âge. Mes mères, Antonine dans la cure, le primat des Gaules lui a confié une mission, elle s'y tient, à la lettre. Après Bayonne, ce sera donc l'Espagne. Dans la nuit du 12 au 13 février 1953, elle organise leur traversée des Pyrénées avec la complicité de passeurs et de prêtres connus et respectés de Bayonne. Mais quelques jours plus tard, l'un des passeurs est arrêté. Il avoue avoir reçu 20 000 francs pour exfiltrer les gamins et il livre les complices. Le 21 février, l'arrestation de 4 prêtres met le Pays basque en ébullition. Tous les éléments d'un affrontement religieux se mettent en place. À Lyon, le cardinal Gerlier, lui, repense aux mots du pape. Il faut résister, oui, mais pas au point de causer de graves dommages à l'Église. Pas de doute, nous y sommes. Il lui faut de toute urgence désamorcer la crise. Il approche alors Jacob Kaplan, grand rabbin de France par intérim. Membre fondateur de l'amitié judéo-chrétienne, connu pour son pragmatisme, on le surnomme le diplomate. De plus, Gerlier sait qu'il a une dette envers l'Église. Sa famille a été cachée par des religieuses pendant la guerre. Bref, c'est l'interlocuteur parfait. Après de multiples rencontres, entachées de nouvelles polémiques, un accord est finalement signé le 6 mars 1953. Il garantit la restitution des enfants en échange du retrait des plaintes et de la libération des prêtres. Exit le pouvoir judiciaire, les juifs et les catholiques s'arrangent entre eux. Dont acte. Et, comme par miracle, si j'ose dire, la pression baisse aussitôt d'un cran. Les prêtres et mère Antonine sont libérés, tout comme Mademoiselle Brun, après 6 semaines d'incarcération. congratulé à sa sortie, la Bigote est devenue martyre, un must du côté de la calotte. Reste le deuxième point de l'accord, restituer les enfants. Mais là, problème, si l'on sait désormais qu'ils ont passé la frontière espagnole, personne ne sait où ils sont réellement. Même pour les principaux concernés, les souvenirs sont épars, comme en atteste la suite de l'interview de Robert Finali devant les caméras de Saint-Colonne à la Une en 1962. On a fait une espèce d'excursion très difficile parce que j'étais pas habitué à marcher dans la neige. Là-bas, je me souviens qu'à un certain moment, on était si fatigué qu'on avait perdu tout espoir d'arriver à un certain endroit. On est arrivé à une auberge au milieu de la frontière. Là-bas, pour nous reconforter un petit peu, on nous a donné à boire un petit peu d'anis. Moi, j'ai bu un petit peu trop. Au lieu de, quand on est reparti, au lieu d'aller tout droit, j'ai un petit peu allé en zigzag. En Espagne, vous avez été séparé de votre frère? Oui. Le plus grand temps, on était séparés. Au pied du mur, le cardinal Gerlier lance plusieurs émissaires sur leurs traces. En Espagne, il réanime d'anciens réseaux de résistance, avec Germaine Ribière notamment, qui s'était illustrée très jeune pendant la guerre en protégeant des Juifs, justement. Elle part un peu à l'aventure, faire du porte-à-porte au Pays Basque. Gerlier confie aussi à Monseigneur Maury le soin de rencontrer à Madrid, ambassadeur, évêque, ministre. Mais l'Espagne de l'année 1953, c'est depuis 17 ans celle du franquisme, où règne un national-catholicisme de croisade. L'affaire va alors prendre une dimension imprévue. Le caudillo voit dans les frères Finali une monnaie d'échange contre des républicains basques réfugiés en France. En réalité, Franco bluffe, il ignore où se trouvent les enfants, et personne n'est dupe. En juin 1953, après 4 mois d'enquête sur le terrain, Germaine Ribière découvre enfin que Robert et Gérald sont aux mains des prêtres basques indépendantistes, et plus particulièrement, Maure Elizondo, qui pour l'heure ne veut rien savoir. Informé, le cardinal Gerlier, soutenu désormais par le Vatican, tape du poing sur la table. Il exige la restitution des enfants. Parce que cette affaire a trop duré. Alors, le président du gouvernement basque en exil en France s'en mêle et, défiant Franco, donne l'ordre à Maure Elizondo de remettre les enfants à Germaine Ribière. Une voiture de la Sûreté nationale les attend à Saint-Sébastien. Le 26 juin 1953, à 16h, Robert et Gérald franchissent sans s'arrêter la frontière espagnole. Le lendemain, après 8 ans de procédure, 8 ans de combats, de coups fourrés, de mensonges, d'intoxication, de manipulation, c'est l'arrivée. Un drame humain qui a secoué l'opinion française durant ces derniers mois vient d'avoir enfin son épilogue. Aux portes d'une villa de la région parisienne où il montait la garde depuis 2 jours, journalistes et caméramens ont assisté à l'arrivée de la voiture qui ramenait d'Espagne les enfants Finali. Quelle que soit la conclusion de cette triste affaire, Robert et Gérald vont redevenir, du moins l'espère-t-on, dans le paisible parc de la Moussonnière, 2 enfants comme les autres, 2 enfants sans histoire. Pour moi, Esqueler, le mandataire des tentes Finali, cet épilogue est à la fois une joie et une déconvenue, parce que personne ne l'a tenu au courant des derniers rebondissements de l'affaire. Non, ni les autorités, ni même ses avocats, juste la presse, comme n'importe quel quidam. Et pour Keller, le jusqu'au-boutiste, cette victoire n'est pas la sienne et reste entachée par les compromis. L'Église de France n'a jamais été condamnée pour ce qu'il convient d'appeler pourtant une prise en otage d'enfants. Une semaine après le retour, Edwige Rosner, la tante d'Israël, rencontre pour la première fois ses neveux qui peinent à cacher leur peur. On leur avait tant parlé de ces méchants juifs qui voulaient les arracher à leur religion. Mais la tante a le visage de l'amour. Quelques jours plus tard, les enfants d'école portent à la vive et découvrent leur nouvelle maison, leur famille, la place qui est la leur. Mademoiselle Brun, elle, restera un mystère. A-t-elle incarné l'amour d'une mère adoptive, prête à tout pour garder ses enfants, ou a-t-elle agi par prosélytisme religieux? Murée dans le silence, elle disparaît en 1988 sans jamais avoir revu Robert, devenu médecin, marié, 2 enfants, et Gérald, industriel, marié, 2 enfants également. presque 70 ans plus tard. L'affaire des enfants Finali demeure un révélateur du sort des enfants juifs cachés, convertis ou non, au christianisme, ainsi que des affrontements politico-religieux d'une France qui se vivait comme écartelée, illustrant bien au passage l'expression du général de Gaulle « Si la République est laïque, la France est chrétienne ». Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits. Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Mais dans ce pays-là, moi je fais ma maison. Ma maison est un bois, mais c'est presque un jardin qui danse au crépuscule autour d'un feu qui chante, où les fleurs se mirent dans un lac sans teint et leurs images embaument aux brises frissonnantes, aussi folles que l'aube, aussi belles que l'ambre. Dans cette maison-là, j'ai installé ma chambre. Ma chambre est une église et je suis à la fois, si je vante un instant, ce monument étrange, et le prêtre et le dieu et le doute et la foi et l'amour et la femme et le démon et l'ange. Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit. Dans cette chambre-là j'ai couché mon lit. Mon lit est une arène où l'on mène un combat sans merci, sans repos. Je repars, tu reviens. Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça, mais où l'on vit pourtant sans penser à demain, où les grandes fatigues chantent quand je m'endors. Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort. Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits, les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil, les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis. Ce pays est un rêve où rêvent mes saisons. Mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les enfants, Finali, notre invité Marion Feldman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en psychopathologie à l'Université de Paris-Nanterre, autrice notamment en 2009 d'un ouvrage intitulé « Entre trauma et protection, quel devenir pour les enfants juifs cachés en France » de 1940 à 1944, publié aux éditions RS. Je cite également votre dernier ouvrage, coécrit celui-là avec l'historienne Cathy Hazan, « Histoire secrète, les enfants juifs et l'assistance publique », publié aux éditions Une Presse. En 2017, alors autant dire que vous connaissez le dossier. Tout d'abord, en tant que psychologue clinicienne, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au traumatisme des enfants juifs cachés en France durant la Seconde Guerre mondiale ? Alors, travailler sur les enfants juifs cachés en France pendant la Seconde Guerre mondiale dans le cadre d'une thèse de doctorat, puisque c'était ma thèse de doctorat en psychologie, en psychopathologie, bah, quand on choisit un sujet, évidemment, ça a à voir avec sa propre histoire, généralement, souvent. Donc, mes parents étaient tous les deux cachés pendant la guerre quand ils étaient enfants. Et je m'étais toujours posé la question d'un vécu particulier qui ne semblait pas être le même que ceux qui étaient survivants des camps. Donc, il y avait quelque chose autour des questions identitaires entre judaïsme, catholicisme. Et donc, j'ai commencé à faire cette thèse. J'ai rencontré 35 personnes qui avaient cette histoire-là. Et je me suis en effet rendu compte, et l'affaire Finali le montre en grande partie. L'affaire Finali, évidemment, c'est une histoire qui a été médiatisée et qui a duré pendant un certain nombre d'années jusqu'en 1953, mais elle est révélatrice de la problématique des enfants qui ont été cachés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'un certain nombre, ont été cibles d'attaques du lien de filiation, ne pouvant plus être enfants de leurs parents puisqu'ils étaient en danger, et ils ne pouvaient plus être juifs. Donc ils ont été cachés, camouflés dans des institutions chrétiennes, dans des institutions protestantes, et ils se sont affiliés à ce qu'on leur proposait à ce moment-là. C'est un phénomène d'acculturation. Absolument. Ils ont été exposés à un phénomène d'acculturation. L'Église les a protégés. L'Église a été les a sauvés. Et c'est toute la problématique de ces enfants qui, au sortir de la guerre, se sont retrouvés dans un conflit de loyauté entre judaïsme et catholicisme. Oui. Et parmi les personnes que j'ai rencontrées, je me souviens d'une, par exemple, qui, plus de 70 ans après, tenait à deux objets, son missel et la menorah. C'est-à-dire que voilà. Les deux rives. Voilà. Oui. Et donc ils ont grandi, se sont construits comme ça, avec cette recherche toute leur vie, quasi pulsionnelle, d'une affiliation à un groupe, sans retrouver complètement leur groupe juif d'origine, d'autant qu'on leur disait que c'était les juifs qui avaient tué Jésus, donc leurs parents. Et qu'ils ont été protégés par le catholicisme. Et dans l'esprit des catholiques, est-ce qu'on pourrait dire, sans outrance, qu'en gros, ils ont pensé, on vous a sauvés, maintenant, non pas vous nous appartenez, mais vous appartenez à la religion qui est notre culture, comme une dette, quelque part. Alors, là, on est dans un thème d'une grande complexité, parce qu'on peut pas dire l'Église s'est positionnée d'une certaine façon ou d'une autre. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'Église, Monseigneur Théas à Montauban, qui a vraiment sauvé les Juifs et qui a essayé de les faire passer en Espagne. Alors là, je suis psychologue, mais je me suis nécessairement intéressée à l'histoire. Alors, même si ce n'est pas mon terrain d'expertise. Donc, il y a une église qui a sauvé les Juifs et qui après la guerre les a rendus. Et puis, il y a une partie de l'église, comme cette mademoiselle Brun, qui a retenu les enfants et pour lesquels il était difficile de les récupérer. Ce qui est important de savoir quand même avec l'église, c'est que du 7e siècle jusqu'en 1959, il y avait une prière du Vendredi Saint qui disait « Prions pour les Juifs perfides ». Et la prière développait ensuite le jugement sans appel, Dieu tout-puissant et éternel, qui n'exclut pas même la perfidie juive de sa miséricorde, exauce nos prières que nous t'adressons pour ce peuple. Quelle grande âme. Voilà. Après, il y a eu une transformation, quand même, et ce texte est aujourd'hui depuis remplacé par « Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé le premier, qu'il progresse dans l'amour de son nom et de la fidélité de son alliance ». Mais 1959, ouais. C'est-à-dire qu'on va vraiment au-delà de la fin de la guerre, et on voit que l'antisémitisme ne s'est pas arrêté en 1945, évidemment, puisque au-delà de ça, les familles, les enfants qui ont retrouvé leurs parents, ou un des deux parents, ou une tante, ou un oncle, ont eu, évidemment, ces familles ont eu des grandes difficultés à retrouver leur logement aussi, qui avait été spolié. Et voilà. Alors, vous avez travaillé, je le disais tout à l'heure, avec l'historienne Cathy Azan, hein, qui, elle, parle de course aux enfants. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Elle parle d'une course aux enfants à partir de 1945, c'est-à-dire que les organisations juives qui ont participé au camouflage des enfants tenaient à récupérer les enfants juifs et faire en sorte que ces enfants soient élevés comme si les parents étaient revenus de déportation. C'est-à-dire leur donner une éducation juive que leurs parents leur auraient donnée s'ils étaient revenus. Donc ça a été une course aux enfants. Et moi, dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai rencontré une assistante sociale qui était très âgée à l'époque, Vivette Samuel, qui me racontait qu'en 1945, avec d'autres assistantes sociales, elle parcourait tous les villages de France en bicyclette pour aller chercher les enfants. Et elle tapait aux portes de l'église pour savoir où étaient les enfants, ce qui n'était pas toujours facile, puisqu'il y avait des fichiers qui avaient été camouflés pour cacher les enfants. Donc ça a été un travail de grande envergure pour récupérer les enfants. Parfois, il a été compliqué de récupérer les enfants, parce que les enfants étaient bien dans leur famille, et qu'il n'y a pas de chiffres précis sur le nombre d'enfants qui ont été laissés dans les familles chrétiennes à la campagne, mais il y en a eu quelques-uns. Dans la partie historique de votre livre, alors moi c'est plutôt mon terrain, je suis plus à l'aise que la psychologie, vous évoquez le syndrome de Vichy, qui est d'ailleurs le terme de l'historien Henri Rousseau. De quoi s'agit-il appliqué à cette thématique-là ? Alors, encore une fois, c'est pas mon domaine, hein, mais j'ai pris en compte ce syndrome de Vichy, qualifié par Henri Rousseau, qui est historien, pour parler de la façon dont la France a géré l'après-guerre. C'est-à-dire que on glorifiait les résistants, on faisait abstraction de ce que les Juifs avaient vécu, l'antisémitisme, c'était, il y avait un deuil inachevé, on ne prenait pas en compte le vécu de ces familles qui revenaient des camps, de ces quelques survivants qui revenaient des camps, et c'est ça le syndrome de Vichy qui a duré d'une certaine façon jusqu'en 1995, mais encore une fois, c'est pas mon domaine, donc. Mais il a fallu attendre 1995 pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de la France. Le discours de Veldiv. Voilà, le discours de Veldiv qui a été extrêmement important. Extrêmement important. Pour ses enfants. Mais pour ses enfants cachés, il y a eu un autre événement qui a été extrêmement important. C'est 1991, où il y a eu une grande réunion à New York qui a rassemblé des enfants cachés. Et c'est la première fois qu'on a parlé des enfants cachés. C'est à partir de là que ce mot est advenu, puisque jusqu'en 91, c'est-à-dire juste 46 ans après la guerre, eux, ces enfants, ont toujours entendu dire qu'ils avaient eu de la chance. Ils avaient eu de la chance parce qu'ils n'étaient pas passés par les camps. Ouais. Ils étaient à la campagne. Ben voyons. Et on faisait complètement abstraction de leur vécu, des ruptures multiples qu'ils ont vécues, des humiliations et de la maltraitance que parfois ils ont vécues, qui est toujours un sujet sensible, parce que oui, il y a des Français, des familles françaises qui ont accueilli des enfants qui étaient payés, et dans les entretiens, j'ai mené 35 entretiens, il y a un certain nombre d'enfants qui n'ont pas été très bien traités. Il y a eu des causettes, quoi. Il y a eu des causettes, mais encore une fois, ça s'inscrit aussi dans une complexité, parce que dans les années 40, on ne considérait pas l'enfant comme on le considère. Oui, ce n'était pas lié simplement à ce contexte historique. Non, c'était aussi une main-d'œuvre, c'était une façon d'être de vivre à l'époque. Certains enfants avaient la consigne, de dire qu'évidemment qu'ils étaient chrétiens, qu'ils s'appelaient Suzanne et non pas Sarah, qu'ils s'appelaient Jacques et non pas Jacob, qu'ils ne pouvaient pas pleurer parce qu'ils attiraient l'attention vers eux, donc il y a une répression des émotions pour vivre cette période. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, baby, I've been here before, I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. On va écouter un autre témoignage, c'est une archive qui date de 2008, enfin elle a été diffusée en 2008, c'est le témoignage de Margot, enfant juive cachée. Elle a été baptisée alors qu'elle avait 7 ans. J'étais très contente de ne plus être juive. Comment voulez-vous être juif quand on vous dit dans une école que c'est les juifs qui ont crucifié Jésus? Qui veut être juif? Et pas seulement ça. Qui veut être juif alors qu'il y a la chasse aux juifs? Plus tard, comme beaucoup d'enfants cachés, Margot sera traumatisée par son passé d'enfant juive. Vous êtes tellement marquée. Vous avez été tellement dévalorisée. Vous ne deviez pas exister. J'ai eu énormément de difficultés à exister dans le bon sens du terme. Je ne savais pas qui j'étais. Voilà, pour vos travaux, vous avez étudié des dizaines de parcours, hein, comme celui de Margot. Ils ont en commun cette injonction « Ne sois plus toi si tu veux être, ne sois plus juif si tu veux rester en vie ». Comment en sont-ils restés marqués ? Par des, elle le dit très bien, Margot, par des troubles d'affiliation, c'est-à-dire une impression de jamais être à sa place. Des angoisses massives. Dans les parcours que j'ai étudiés, un certain nombre ont essayé de passer par d'autres groupes pour se retrouver, avant de retrouver le judaïsme. Alors, il y en c'est a qui... La franc-maçonnerie, par exemple. Le bouddhisme, l'église évangéliste. Et puis, ils en sont sortis parce qu'ils ont entendu des propos antisémites. Donc, ils se sont dit, non, je ne suis pas bien dans ce groupe. Mais il y a eu une recherche quasi pulsionnelle d'appartenir à un groupe puisqu'ils ont vécu cette acculturation, cette déculturation. Ouais. En fait, c'est une déculturation et pas une acculturation qui a opéré jusqu'au bout, ce qui aurait pu être le cas pour les enfants finali, en devenant catholiques définitivement. Enfin, dès lors qu'on les arrache de leur culture, bien c'est, sûr. C'est un phénomène d'acculturation. Oui, enfin, ils étaient restés avec Mademoiselle Brun, ouais. Ils auraient été acculturés, déculturés et acculturés. Oui, oui. Alors que là, ils reviennent. Donc c'est le cas des enfants juifs qui ont été récupérés après la guerre, c'est-à-dire pendant un temps, ils n'ont pas été juifs, et puis après on leur a dit qu'ils pouvaient être à nouveau juifs. Ouais. Donc c'est le sentiment de ne jamais être à sa place, de ne jamais être compris. Ça, je l'ai retrouvé dans l'ensemble des récits que j'ai recueillis, des angoisses, et puis après des troubles identitaires, des troubles familiaux au sein même de la fratrie. C'est-à-dire même quand il y a des frères et sœurs qui étaient dans une même famille, ils avaient une perception des événements différentes qui a fait que il y a eu des tensions en vieillissant dans la relation entre eux. Ou pour des raisons liées à la clandestinité, frères et sœurs ont été placés dans des endroits différents. Donc il y a eu un éclatement du système familial, du sous-système familial, et des difficultés énormes à retrouver les parents quand ils les retrouvaient, parce que 3-4 ans, on oublie comment étaient ses parents, que les retrouvailles s'inscrivent dans ce qu'on appelle en psychanalyse un après-coup de la première séparation. Et les enfants finalis, je ne sais pas psychologiquement comment ils sont devenus, mais ils ont connu des ruptures successives qui ont eu un effet sur leur psychisme. Donc, c'est des enfants devenus adultes qui restent fragiles et ils peuvent rencontrer, et moi je l'ai vu en 2015 après les attentats de Charlie Hebdo et l'Hyper Kacher, il se trouve que j'animais à ce moment-là un groupe de parole d'anciens enfants cachés où là il y a eu une désorganisation totale et ils avaient l'impression de revenir 70 ans en arrière. Voilà, donc il y a une fragilité qui demeure. Ils ont tout fait pour essayer d'aller de l'avant, fonder une famille et transmettre ce qu'ils pouvaient transmettre. Mais ils restent profondément fragilisés par ces blessures très profondes. Est-ce que ça a pu aller jusqu'à des pathologies psychiques profondes, parfois ? Alors, ça a été parfois des pathologies importantes, mais curieusement, qui sont, moi, ce que j'ai repéré, plus fortes chez leurs enfants. Et donc, dites-moi ça. C'est-à-dire que ces enfants cachés se sont construits sur un secret. Ouais. 1991, cette première réunion leur a permis de sortir de leur cachette. C'est-à-dire qu'enfin, on les reconnaissait, ils avaient souffert. Ils ont, après la guerre, vécu en maison d'enfants, où ceux qui ont retrouvé un des deux parents, ils l'ont retrouvé transformé, métamorphosé par l'expérience des camps ou de la clandestinité, remarié avec un conjoint qui avait perdu son conjoint en camp. Donc des reconfigurations familiales parfois qui ont induit du mortifère. Et c'est les enfants qui ont pris en charge leurs parents, mais tout ça dans le silence. C'est le silence qui domine dans leur histoire, avec une répression des émotions, parce qu'on ne pouvait pas être triste, il fallait aller de l'avant. Et donc, chez leurs enfants, il y a quelque chose qui s'est transmis à leur insu. L'histoire n'a été peu racontée. Et après, c'est le fardeau qu'il faut porter, quoi. Voilà. C'est bien connu. On a un héritage, mais on n'a pas de testament. C'est cela. C'est ce que dit René Char. Marion Feldman, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie pour vos éclairages et votre expertise autour de cette affaire et de ce thème. Merci, au revoir. Merci. C'était